Food Folk. C'est fou. 89 ans. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau encore une fois congé cette semaine. On va le retrouver éventuellement, je suis sûr, caché en quelque part, là, on sait pas trop, là, en Afghanistan, genre. Pendant les trois prochaines heures, on va bien sûr écouter le top 20 francophone, le top 20 anglophone. On va aussi savoir si mon numéro 1, c'est la fin, sont toujours du côté franco, Amor Blitz avec Kilimanjaro et en anglo, The Marwheels avec Don't Go Home. On va aussi, qu'est-ce qu'on a? On a des chroniques. Hein? On a Pam Rest in Peace pour dire au revoir aux pièges qui nous ont quittés. On a un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On a C'était fou avec des hits du passé ailleurs dans les palmarès pour savoir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On va débuter par contre avec la portion new shit de l'émission, c'est-à-dire les nouvelles entrées. Il y en a 5 en tout. Du côté anglophone, il y en a 4. Freak Heat Waves, Viet Cong, de retour. The Airborne Toxic Event et The Moors. Mais on va débuter avec la seule et unique nouvelle entrée du côté francophone. Voici Trio. Et né quelque part au Palmarès C'est fou sur le 89 FM. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincones guay corazón. No rincones guay corazón. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No rincones guay corazón. No rincones guay corazón. Est-ce que les gens naissent égaux au endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No rincones guay corazón. No. Est-ce que les gens naissent égaux au endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux au endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux au endroit? Nouvelle entrée. too young to promise to be true. I think I'm wasting my youth on you. 19. Nouvelle entrée. C'était The Airborne Toxic Event avec Wrong, un nouvel entrant en 19e place anglophone. Avant ça, en 20e anglophone, on a entendu The Moors avec Youth. Et au tout début du bloc, c'était Trio avec Nick quelque part. Il nous reste encore deux nouvelles entrées. Je pense qu'on est dû pour les entendre tout de suite. Ça va être déjà fait. On va pouvoir mettre ça de côté et dire « J'ai déjà entendu les nouvelles entrées. Je veux les réentendre la semaine prochaine. » Tu sais, il faut une première chose à tout. Non plus tard, il y aura Freak Heat Waves avec Dig a Hole. Mais tout en 18e anglophone, on écoute Viet Cong. Voici Throw It Away, tout nouvel extrait de Viet Cong qu'on adore ici au Palmarès. C'est fou, on a découvert ça dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis, tellement que Stéphanie Paradis a du beat. Hein? À du goût. Fill them up so that they might overflow.

Ah, c'était Tire le coyote et la pénible pour moi. Pièce les chums et les serviettes qui montent d'une place en 15e. Avant ça, c'était Claude Bégin et avant le disparate qui descend de 3. Et au début du bloc, Fauve et TRW qui montent de 2. C'était une nouvelle entrée à se passer sur l'album Vieux Frères partie 2. Du côté anglophone, on saute par-dessus les 16 et 15 Bell & Sebastian avec Nobody's Empire ainsi que Chris Burkitt avec Be Creative. Les deux datent d'il y a 8 semaines. Par contre, on va entendre une pièce qui est quand même vieille, qui date elle aussi de 8 semaines dans le prochain bloc, parce qu'on s'en va au 14e. En anglo, c'est Napalm Pom. Et un numéro 1, il y a quelques moments, quelques semaines, en tout cas, Get With Me, qui descend de 10 places. Avant ça, par contre, c'est Fanny Bloom qu'on s'en va entendre. Elle descend de la 10e. Voici Melody dans les pommes assez fous au 89.fm. Quand on parle en voyage, notre amour est en décalage entre la nuit et puis le jour. As-tu rangé le cahier avec les notes de musique qu'on avait composées à deux? Je veux te jouer la dogs. I went to high school with Rose. instantané, n'importe pas, mais Get With Me, position numéro 14, qui descend de 10 places en anglophone, ça dure depuis 8 semaines. C'était incroyablement bon. Avant ça, c'était Fanny Blue, mais Mélodie, qui, elle, dure depuis 6 semaines et descend de 4 places. On passe tout de suite au 13e du côté anglophone de High Dials. Et quand même une vieille toune, aussi une vieille chanson qui est là depuis 7 semaines, Desert Tribe. Bon, on l'aime bien, monte de 2 places. Avant ça, par contre, voici une pièce qui a fait son entrée il y a 3 semaines, c'est sa 4e. Voici Pat Ground, et n'oublie pas la couleur. Au 80 FM, c'est des palmarès, c'est fou. Dépose ce vieux tableau et range-le dans un coin. Recommence à zéro, ça ira mieux demain. Refais le monde plus beau avec tes coups de pinceau. Surtout pas ces défauts, ceux qui nous ont choqués, ceux qui nous ont blessés. Efface tout ça et recommence. N'oublie pas la couleur. Oiseaux, disparaître les fusils, rire les enfants à la hauteur de ton talent. Détruis toutes les peines, trace la ligne du bonheur et fais la zigzag qui dirige la mer ton cœur. Ne retourne pas chercher le noir, il est perdu, je n'en veux plus. N'oublie pas la couleur. indiquera le pire mieux. On baillonnera ton souffle fougueux. Ne laisse pas guillotiner tes enjeux. Reste furieux, reste furieux. Ooh. Elliot's Magino et Young Hole. C'est la position numéro 12, stable du côté anglophone. Et avant ça, Mastic avec Nouveau Empire qui monte de 8 places. C'était de voir ce qu'on pensait. On a aussi entendu Pat Brown et The High Dials dans ce bloc-là. On saute Marie-Pierre Arthur avec Rien à faire qui descend de 2 places. Et Spoon River avec Slippery Footed Man qui descend aussi de 2 places. Pour se quitter quelques instants, on revient avec une deuxième heure. Et le top 10 des palmarès, c'est fou. Restez avec nous. En marge. C'est fou, 89.1. Bon, c'est la deuxième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 9 au 15 mars 2015. La portion top 10, je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau à congé cette semaine. On est rendu dans les positions top 10 et plus. On va aussi avoir dans cette heure-ci les instants classiques d'Assemblage requis. Ainsi que, c'est quoi dans la deuxième heure, le bloc C'était fou. Oui, avec des pièces du passé lointain. On s'en souvient à peine. On retournait en 2005 cette année pour entendre, entre autres, du Rammstein. Pour ce numéro 10 du côté anglophone, c'est André Papanicolaou et Disposable qui monte de 6 places. C'est là depuis 6 semaines. Et en franco, ça descend de 3. Voici Jean Leloup et les Flammes Roses. 80 FM, c'est les Palmes Racines. Sur le chemin de terre, ils avaient aligné les corps et les vautours faisaient des cercles autour. Dans la cour de l'école, on bastonnait les dissidents pendant que regardaient en rang les étudiants. Dans les maisons pleuraient les pères et mères. Les camions verts transportaient les militaires. Les flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Flamants roses volent dans le ciel encore, et rien n'arrête l'arrivée de l'aurore. Malgré les morts gisant dans la poussière, les flamants roses éclatent de lumière. Comme les montagnes s'allume dans le noir, sous la lueur lunaire, dans la neige du soir. Quand les corbeaux se meurent pour un bout de terreur, les flamants roses s'en vont vers le soleil. Sommeil.

C'était André Papanicolaou et l'extrait Disposable, 10e place anglophone, ça monte de 6. Et avant, c'était Jean Leloup et Flamant Rose qui descendent de 3 places sur l'album à Paradis City. Tout à l'heure, juste après les 9e places, on va retourner à Assemblage Requis, émission du matin, pour entendre ce qui s'est passé de drôle dans un instant classique. Mais pour l'instant, c'est les 9e places en anglophone, James Irwin et Michigan Miami. Mais tout de suite, voici Dumas. Et compte à rebours, 9e place qui monte de 3 dans les Pas mal assez fous. Thank you.

Electrons et Animal, I love you. Position numéro 8 qui monte de 12 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Avant, c'était Navarre et Je te suis qui monte la 17e place. 4e semaine de présence pour Navarre. L'album s'appelle Temps bipolaire. Tout à l'heure, on va passer à C'était fou. On va retourner un petit peu dans le temps. En fait, quand je dis qu'on va passer à quelque chose, on va passer au passé. Donc, on va retourner à la semaine du 11 mars 2005 pour entendre, entre autres, un des plus grands succès de l'histoire du palmarès anglophone. Ben ouais, ça s'en vient tantôt. Avant ça, par contre, les 8e places en anglophone... les 7e, pardon. En 7e anglophone, c'est The Seasons, avec Copernicus lancé numéro 2. Et on débute avec la 7e francophone par Chocolat. Ça monte de la 11e. Voici Apocalypse. 89 FM, vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir.

dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living. Wellington. C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 11 au 17 mars 2005. On a débuté avec le numéro 1 francophone, The Stills et Retour à Vega. C'est un single et ça a été le numéro 1 de l'année au complet en anglophone en 2005. Ensuite, Rammstein, le numéro 1 anglophone de cette semaine-là avec America sur l'album Rice Rice. Et finalement, une pièce de mon choix, Malajub avec le jus citron sur l'album Le Compte Complet. Dans cette même semaine-là, il y avait Ludger, Bleu, Arsenic 33, Phénomène, Surcharge, les Ghouls, Télémac, du côté anglophone, Silvertide, Louis XIV, The Police, non pas The Police, The Waking Eyes, The Kings of Leon, Stars, KCBN et DJ Champion étaient tous dans cette édition du 11 au 17 mars 2005 des Palmarès C'est Fou. Maintenant, on retourne à nos 6e places. On a le temps pour écouter les deux. Que je sache, oui, exactement, on a le temps. Donc, du côté anglophone de Pretty Reckless avec Sweet Things qui descend de 3. Avant ça, en francophone, voici Huit Clos, stable en 6e avec La Danse des Morts sur C'est Fou. 89.1 FM. David a pris sa grosse voiture pour aller en bas sur le mur. Camille aime bien le cinéma, mais je ne crois pas qu'elle s'y rendra. 40 le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Fauché à la hauteur des hanches, il l'a reçu droit sur son banc. Dernier souvenir de la jeune fille, son assassin sentait si bon. Bien sûr, en d'autres circonstances, il n'aurait vraiment pas dit non. À une nuit chez elle ou chez lui, ou à quatre pattes dans sa voiture, Camille avait de bonnes idées. Ah, quel dommage de l'avoir tué. Sa grosse voiture pour aller embrasser le mur. Bertrand attend son quatrième, il ne lui dira jamais je t'aime. 40 le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Bertrand écrasé sous les roues, étrangement avait l'air souriant. D'ici subitement, c'est la vengeance qui l'attendait. Pleurez-moi tous, femmes et enfants, comprenez bien mon importance. Malheureusement, ils n'en furent rien, ils étaient tous indifférents. À part Johan, sa secrétaire, qui le pleura pendant 2 ans. La grosse voiture pour aller embrasser le mur. 6. Knocking at my door. C'est Sweet Things pour ce numéro 6. Ça descend de 3 et 8 clous avec la danse des morts. À débuter ça avec une pièce qui est donc stable en 6e. Ah, c'est la fin de cette deuxième heure. On revient avec une troisième, mais le top 5 de nos palmarès s'y font. On va savoir d'ici la fin si Amor Blitz et The More Wheels sont toujours au sommet. C'est dans quelques instants. Et aussi la section ailleurs dans les palmarès. C'est au palmarès s'y font juste après ceci. Troisième heure des palmarès s'y fout pour la semaine du 9 au 15 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour éventuellement dans les palmarès s'y fout. C'est ce qu'il dit en tout cas. Donc dans le top 5, on commence à l'instant avec les 5e places en anglophone. C'est Samantha Savage Schmidt et It's a Burn qui est stable. Avant ça, ça descend de une. C'est Lubic. Voici l'essence. Ah ouais. Veste ton gaz, mets le feu à ça. Wouhouhou. Il fallut que je me cogne les pites, tirer comme ciel. Le plan d'y croire était réel, bâti pour que rien ne s'écrase. 4. Wheels et Don't Go Home, position numéro 4, lancé numéro 1 du côté anglophone sur l'album Facts and Figures, et avant ça on a entendu Galaxy avec Robolink sur l'album Zulu qui descend d'une place. On a aussi entendu les 5e en anglophone, Samantha Savage Smith et It's a Burn qui est stable, et en franco ça descend d'une place, c'est Lubic avec L'Essence. On passe tout de suite aux 3e place. Tantôt, une surprise qui vous est réservée, je vous dis pas ce que c'est mais ça va être le fun. Mais avant ça, en 3e anglophone, Cairo avec History of Reasons et qui monte à la 8e place, et on débute avec Caravan. Ça descend de une, voici Harmony Rocket. 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Donne-moi de l'amour. reasons that make me stop are the color of your skin, or the color of my eyes when you're looking at him. Do it again, I do it again, I do it again. When it's you and I, I'm unpacking and you're leaving on another red eye goodbye. C'était Cairo et la pièce History of Reasons, position numéro 3 anglophone. Et avant ça, du côté franco, on a entendu Caravan et Harmony Rocket. Maintenant, présentation spéciale de Myriam Lortie du Zone Campus et aussi chroniqueuse à Assemblage Rocky que je reçois juste comme pour le plaisir. Je sais qu'elle est bonne dans ce qu'on va faire après, fait que salut. Ben oui, je suis là exceptionnellement. Je vais faire un petit tour dans ton émission, ça se peut ça? Tu es exceptionnelle, ça se peut. Et la preuve, c'est que tu es physiquement présente. Oui. Et aussi physiquement présent avec nous, c'est Eric Ayotte qui est chanteur des Gun Mashup. Salut! Allô! Ça va bien? Ça va très bien, il fait assez beau. Tellement. C'est le fun de t'avoir avec nous. Parce mais que il est là pour une raison particulière. Ben oui, un spectacle demain présenté par C'est Fou, des gars de Mashup avec Dylan Perron et Alexis de Gumbo. Exactement, exactement. À Chasse Galerie. Spectacle de la Saint-Patrick. Tout à fait gratuit. Comment ça, spécial de la Saint-Patrick avec un groupe un petit peu. Comment dire? Je sais même pas comment décrire votre musique. Décris-nous donc ta musique toi-même. Ben, on fait du gros blues à base de rock francophone. Ça bouge gros. C'est vraiment pépé. Puis la Saint-Patrick, c'est un peu ça. On n'est pas très irlandais dans le style. Par contre, Dylan Perron et sa troupe d'Élixir de Gumbo vont plus aller chercher l'essence là, justement là, du on swing et mandoline et banjo et compagnie. Donc les deux ensemble, on a déjà fait un spectacle ici à Trois-Rivières. Ça avait vraiment bien marché. Fait que là, on se relance à nouveau avec la thématique Saint-Patrick ici à la Chasse-Galerie. Est-ce qu'il va y avoir de la bière verte? Moi, c'est tout le temps ça à Saint-Patrick, la bière verte qui m'intéresse. Ben d'après moi, oui. Est-ce que je sais qu'il y a des spéciaux sur des produits irlandais? Puis si tu bois assez de bière, ça se peut que tu sois vert. Mais ça t'appartient. La canne de menthe, peut-être. Cap de Manche. Mais là, c'est un spécial de la Saint-Patrick. C'est une semaine avant, j'imagine, à cause qu'il y a le Dôme, c'est fou, la semaine prochaine. Il y a des spectacles toute la semaine. Et là, demain, Éric, c'est un diplômé de l'UQTR. Ah c'est oui, ça, oui, hein? Oui, oui, absolument. Communication sociale 2007. J'ai ma face dans une mosaïque quelque part et ici. Et vous avez sûrement entendu parler du groupe Les Gars de Mashup. Ils ont remporté les Mardis de la Relève au Gambrinus en 2014. Exactement. L'année dernière. Passée. Exactement. L'année passée. Vous avez pu entendre deux extraits de notre album qui ont joué ici, le Truck de la Shop qui était numéro 1, le Kings of Nintendo aussi qui a roulé un petit peu. Mm-hmm. Puis là, ben, on s'en vient enfin vous montrer ce qu'on a de l'air live parce que c'est bien beau un album, on est vraiment un band live. C'est là qu'on prend toute ça, notre énergie, notre essence. C'est la première fois à la Chaise Galerie. Oui. Pour le groupe. Ouais, on est vraiment contents. Comment vous voulez ce show-là devant les universitaires? Ouais, mais il y a ça aussi, c'est comme pas une clientèle qu'on a joué beaucoup au centre-ville ici à Trois-Rivières, puis à Chasse-Galerie, c'est un petit peu un climat un peu particulier, puis ça fait longtemps qu'on voulait venir jouer. Particulier. Ben particulier, c'est pas positivement ou négativement. Ben, positivement dans le sens que c'est pas la même clientèle qu'au centre-ville, ouais. C'est plus étudiants, les gens qui restent autour dans le secteur, puis c'est quand même bon. Bref, c'est pas la même clientèle, donc on a vraiment hâte de pouvoir montrer aux gens ici à l'université ce qu'on fait. C'est le fun dans un cadre festif. Comme ça, pour la Saint-Patrick, il me semble que c'est reconnu pour être quand même assez festif. Rocky. Ouais. Mais justement, le show de demain, vous allez être en première partie. Je sais pas si c'est une partie plus courte ou ben si on joue en premier. On peut c'est dire ça comme ça. C'est sûr que, bon, nécessairement, il y a toujours un en premier et l'autre après. Ben oui. Donc, c'est nous qui allons ouvrir le bal avec toutes nos compositions, peut-être quelques surprises et nos fameux mash-ups là, qui rassemblent des classiques québécois qu'on a remâchés et qu'on chante d'une autre façon sur une autre trame musicale. Mais justement, j'avais entendu ça, que les gars de mash-up, c'était en raison du jeu de mots avec mash-up. Mais voilà. Qu'est-ce que vous faites comme mélange, en, mettons, des chansons spécifiquement? Parce que... Ben, il y en a une particulièrement où ça commence dans l'ordre. L'année passée. C'est ça, oui. Que j'ai su ça. Au ouais. Nord-Ouest Café. Au Nord-Ouest, oui, je me rappelle. On essaie de trouver des trucs un peu. Excuse-moi, je parle en même temps que toi. Je suis pas poli. Oui. Hein. Je parle en même temps que toi. Ben, je suis tellement excité de vouloir parler de mes mashups, c'est pour ça. Il y en a une, par exemple, où ça commence dans l'ordre. Là, dans la toune, il y a Rock Voisine. Après ça, il y a Jean Leloup, suivi de Patrick Normand. Avec ça passe partout, si je me trompe pas. Il y a beaucoup d'improvisation, des fois, dans un spectacle. Les gars partent quelque chose, des fois je suis puis je sors ce qu'il y a dans ma tête, puis c'est souvent des affaires de mais jeunesse. Mais là, vous avez enregistré un album. Oui, oh oui, parce que vous avez gagné les Mardis de la Relève. Oui, oui. C'est des compositions. Oui, il n'y a que des compositions sur l'album, nécessairement. On voulait pas s'embarquer dans toute l'histoire des droits d'auteur avec les mash-ups. On se garde ça live aussi. C'est un bel événement à faire live parce que nous, on se nourrit beaucoup de l'énergie du public. Fait que demain, ça va être un mash-up de vos deux styles. Oui, effectivement. À toutes les fois qu'on fait un spectacle, on se garde de faire nos mash-ups et on garnit notre setlist, notre ensemble de chansons avec le temps. On en rajoute, on en invente. On est toujours en création, en quelque part. Donc, c'est pour ça que ça serait. Ouais. Mais toi, j'ai pris l'album, les 8 chansons des gars de mash-up, j'ai mis ça dans Winamp. Puis ça me donne 18 minutes. Là. Votre show, est-ce que c'est à peu près 18 minutes ou est-ce que vous. Il doit en manquer parce que l'album complet fait 28 minutes. Puis on va jouer au moins une heure et quart. Donc, on a des mash-ups. On a d'autres compositions qui sont pas sur l'album, nécessairement, qui n'étaient pas prêtes au niveau de la. Mais pour les avoir vus aussi, là, en spectacle, il y a des petits bouts d'improvisation interaction avec le public. Je suis pas inquiète que ça va. Ouais, j'ai toujours besoin d'avoir l'énergie du public. Plus le public a du fun, plus que nous autres on en donne, plus que le public a du fun, plus qu'on en donne. C'est que c'est une belle roue qui tourne, c'est un travail d'équipe. On est cinq membres. Mais là, on va en avoir un sixième spécial. On a fait un test, on a fait un show il y a deux semaines au Cap de la Madeleine, au balcon, puis on a eu on a eu un saxophoniste qui s'est joint avec nous autres, puis ça rajoute une dimension. Oui, vraiment cool. Parce qu'habituellement, c'est quoi les instruments que vous utilisez? Voix, harmonica, deux guitares, basse et une batterie complète. Okay. Et mais là, rajouter la dimension saxophone, ça rajoute. Ça rajoute un beau grain dans la musique. On a eu des beaux commentaires, fait qu'on est vraiment content d'avoir Léon avec nous autres, pour ne pas le nommer. J'imagine qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Ouais. Oui, comme je disais, on est toujours en train d'écrire et de produire, donc nécessairement, là, l'été, les festivals s'en viennent aussi. On espère pouvoir se placer puis se faire voir encore. Mais on travaille gros sur les nouveaux trucs, mais on veut pas présenter des trucs qui sont pas prêts. Donc, je veux pas vous promettre des surprises ou des grosses nouveautés pour le show, mais c'est sûr que si on a quelque chose de prêt, parce qu'on pratique tantôt. Si on a quelque chose qu'on est satisfait après le vote, on va avoir des belles surprises demain soir. Ouais. Moi, si je reviens sur les chansons, on a dit tantôt qu'il y avait eu deux pièces sur le palmarès. Il y a eu le Truck de la Shop et le King du Nintendo. Oui, monsieur. Moi, je veux savoir, évidemment, ton jeu de Nintendo préféré. Oui, c'est parce que Mathieu vient d'animer ça. Ah, c'est pas... j'ai... Contra, Tetris. OK, oui. C'est dur à dire. Deux opposés, vraiment. Je pourrais te donner un top 5, mettons, mais mon jeu préféré, je pense que j'irais avec Tetris pour avoir joué avec tous les membres de ma famille. Dr. Mario aussi. Dr. Mario. Ouais, c'était plus Game Boy, ça, par exemple. Ouais, lui, surtout. Mais moi, j'ai la question qui tue. Oh. Est-ce que tu as du sang irlandais? Ah! Mais à la Saint-Patrick, tout le monde est irlandais. C'est ça. Qui sont irlandais? Mais j'ai des racines françaises assez proches. J'ai déjà fait de la généalogie. J'imagine que j'ai un peu d'irlandais. J'imagine que le 17 mars, tu vas écrire ton nom à apostrophe IAT, un peu comme IO quelque chose. C'est genre j'ai des H, des K, puis un petit peu de carotté. Ça va bien. Donc, on rappelle, le spectacle, c'est demain, jeudi. Exactement. C'est à quelle heure? 21h. 21h, qu'on accueille les gens. J'imagine. Il y a du hockey. Je crois qu'on laisse le premier game de hockey. Moi, quand on me dit go, on y va. Puis oui, c'est ça, c'est gratuit. Il va y avoir des spéciaux sur l'alcool. Parti irlandais, on veut que ça swing particulièrement ici à la Chasse-Galerie. Demain soir, Chasse-Galerie, les gars de ma shop, c'était Eric Ayotte. Bonjour, merci. Chanteur et leader du groupe. Ouais, on peut dire ça. Chef de file dans le domaine. Je suis la figure emblématique. Voilà, président directeur général des gars de la shop. Je vais te demander pour se quitter une chanson. Des gars de mashup, évidemment, mais n'importe lequel, sans aucune restriction de temps, de sujet, de vulgarité, t'as le droit de choisir n'importe quelle chanson. Ah, pour vrai, ça va faire jouer ça, c'est bien cool. J'ai un passé de barman, donc j'ai une tune que j'affectionne particulièrement, puis vraiment bonne, je trouve, c'est Last Call. Oui. Que je dédie habituellement, que je dédie en show habituellement à tous les serveurs, serveuses et danseuses nues, parce qu'on vit tous la même chose quand t'arrives 3 ans moins quart, et que c'est le temps du Last Call. C'est cool, écoute, c'est Last Call. Merci, Eric Ayotte. Merci à vous, et ben, le Zone Campus sera là. Vous pourrez lire l'article dans le prochain numéro. Sur le campus, c'est là, comme toujours. Merci Myriam Lortie aussi. Oui. Sur le campus, et on t'écoute à Assemblage Rocky les mardis matin aux 2 semaines. Mardi de la sortie. Merci Myriam, merci Eric. Les gars de Mashup, Last Call, au Palais Récif. Et de la logique, matrice de gang, d'alcoolique. de passion. C'est fou, 89.1. Bon retour, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 9 mars 2015. Toujours Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau est toujours pas là. Il nous reste encore une vingtaine de minutes environ à l'émission. Je reviens pour vous présenter les deuxièmes places. Du côté anglophone, la deuxième c'est Lisa Leblanc et You Look Like Trouble qui monte de 8 places. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1 qui descend d'une. Voici Amor Blitz et Kilimanjaro. Au 89 FM, les palmarès, c'est fou. Continue pour très peu de temps encore. Even though I find it kind of gross, it somehow comforts me. The great thing about us is that we're practically the same, and you know that's what scares me the most. My heart's always traveled with me in my suitcase, and I guess I don't want to see it ending up in yours. Well, you look like trouble, but I guess I do too. Well, you look like trouble, but I guess I do too. You and I both know a gypsy's heart can't settle down, so if you don't mind. What do You look like trouble, but I guess I do too. Pour le numéro 2 anglophone qui monte de 8. Et en franco, c'était Hammer Blitz et Kilimanjaro, l'ancien numéro 1 sur leur maxi, qui s'appelle aussi Kilimanjaro. On est déjà rendu au numéro 1 de nos palmarès, c'est fou pour cette semaine, du 9 au 15 mars. Et on doit se dépêcher, c'est pas tant de temps que ça l'émission. Donc, du côté anglophone, ah, c'est vrai, j'ai des jeux de mots à faire, même si on doit se dépêcher quand même. Hey, c'est comme t'sais, quand tu manges vite, tu réalises pas que. Que t'as plus faim ou que, tu sais, la faim vient, reste plus longtemps parce que ton cerveau sait pas encore que t'as plus faim, tu sais. C'est comme quand tu manges, mettons, un 12 pouces, mettons, un sous-marin 12 pouces, t'sais. Moi, ça rentre super, parce que je le mange super vite, tu sais. Ah, c'est bon, tu sais. Comme un club italien, mettons, tu sais. Ou peu importe, t'sais. Genre, ce que je désire en ce moment, c'est un doux désir et un doux plaisir pour moi qu'un bon gros sous-marin 12 pouces, peu importe la couleur du pain, tu sais, que ce soit blanc, brun ou peu importe, tu sais. Alors que du côté anglophone, ben, je pourrais prendre peut-être un sous-marin avec de la viande de cheval. Peut-être si je me rendais au centre-ville, je sais pas s'il y a un restaurant qui fournit de la viande de cheval là-dedans. Je sais pas, peut-être qu'il faut traverser le pont jusque l'autre côté, tu sais, de l'autre côté de la rive. Parce qu'il ne faut pas sauter de pont dans la vie pour savoir se rendre jusqu'au droit chemin de la viande de cheval. Ah, j'ai essayé de faire des jeux de mots, mais c'est... C'était moyen. Du côté francophone, donc, c'est Le Couleur avec Club Italien. Un club italien sur l'album Dolce Désir et en anglophone White Horse avec Downtown sur l'album Leave No Bridge Unturned. Mais pour l'instant, Le Couleur, au pas mal assez fou. Au numéro 1! Je le plaisir entrer. première position. La semaine du 9 au 15 mars 2015 dans les palmarès. C'est fou, bien entendre White Horse et Downtown qui monte de 6 places, qui est là depuis 5 semaines. Et avant, c'était Le Couleur et Club Italien qui monte de 4 places sur l'album Dolce Désir. C'est depuis seulement 3 semaines et c'est déjà au sommet. Voilà, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 18h. C'est juste après le Mathieu Plante Show à 13h. Et après nous, c'est Audiomatique à 18h, l'émission de musique électronique. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punk. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Restez à l'écoute. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Je remercie les gars de Mashup, Eric Ayotte et Myriam Lorty. Ah, justement, je m'étais écrit un gag pour pouvoir le mettre comme titre de l'épisode. T'sais, j'ai pas fait aucun gag de l'émission parce que je suis seul. Donc, mon gag, c'était merci à Myriam Lorty et les gars de Mashup. Donc, Lorty gars de Mashup. Lorty gars de Mashup. Ouais, fait que c'était plus drôle à l'écrit finalement, mais ça va faire quand même le titre de l'épisode parce qu'il n'y a rien d'autre. À la semaine prochaine, on se quitte avec une autre pièce des gars de Mashup. Cette fois-ci, le King's Nintendo, ancienne pièce des palmarès francophones. Et bye! Pour la gloire, j'étais le King au Nintendo. On drive notre team traitait de fifi, me smashait en face, le ballon rotatif. Mais aujourd'hui, on tourne des petits. Dirais que juste moi qui en fais pas. Je suis toujours pas au signe que je vois. Mais j'aimerais bien savoir la Gaspésie. Bon, ben, j'ai reçu par la poste le Tamagotchi. Est-ce quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Bon, j'ai été le king au Nintendo.